sur la main, un ennemi broyé, un marin ordinaire. Pour les marchands, il s'était engagé, Jack il voulait voyager. Un soir de tempête, son bateau fit naufrage, et des îles allemands contraints à l'esclavage. Par des cannibales qu'il avait capturés, il fut cassé et engraissé. Captain Jack, Captain Jack, est arrivé de loin. Aujourd'hui encore on chante le refrain du pirate acadien. Les sauvages fabriquent un radeau, un jour voyant au large ce qu'ils croyaient un bateau. On le prit à bord et en fit un pirate, commençant la légende de Jack. Captain Jack, Captain Jack, est arrivé de loin. Aujourd'hui encore on chante le refrain du pirate acadien. Plusieurs années à sillonner les mers, à Bonaventure à l'embouchure de la rivière, il aurait caché son fabuleux trésor. Aujourd'hui on le cherche encore. Captain Jack, Captain Jack, est arrivé de loin. Aujourd'hui encore on chante le refrain du pirate acadien.